La radiodiffusion et télévision française vous présente, par transmission différée, en deuxième diffusion, le spectacle de la Comédie française, Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter en première partie du programme la gageure imprévue, un acte de Sodaine. Et en deuxième partie, on ne badine pas avec l'amour, trois actes d'Alfred de Musset. Monsieur Edmond C. vous parle. Le bon Sodaine, dont vous entendrez tout à l'heure la gageure imprévue, exerça longtemps la profession d'aide-maçon. Et il la défend et la revendique avec orgueil, cette profession, au regard des railleurs et peut-être de Boileau, rimeur d'un vers célèbre que vous connaissez. Lorsque Sodaine écrit, en manière de préface de son théâtre, « Pourquoi ne serais-je pas maçon et poète ? Apollon, mon maître, a bien été l'un et l'autre. C'est bien qu'on a tout lieu de se défier qu'un maçon-poète ne maçonne mal et qu'un poète-maçon ne fasse de méchants vers. Là-dessus, j'ai fait mon choix. J'aime encore mieux passer pour mal versifier que pour mal bâtir. C'est pour vivre que je suis maçon. Je ne suis poète que pour rire. » Ce modeste avertissement préliminaire de l'aimable rimeur et ajusteur dramatique de 10 ou 12 livrets d'opéra comique, tels que Le Déserteur, Le Roi et le Fermier, Richard Cœur le Lion, demeurait longtemps au répertoire de nos scènes lyriques, nous rend indulgents à l'égard de Sodaine. Nous devons beaucoup mieux, au reste, que de l'indulgence à celui qui nous fit don du sensible et délicat ouvrage intitulé Le philosophe sans le savoir, par quoi il s'avéra le créateur et peut-être le précurseur, à son époque, d'un genre, d'une formule dramatique inédite, ce qu'on dénomma la comédie bourgeoise. Sans égaler le philosophe sans savoir, la gageure imprévue n'en est pour moi une œuvre de fine essence, vous le verrez, et s'est maintenue au répertoire de notre première scène nationale, où elle atteignait l'autre soir la 372e représentation. C'est une agréable historiette, non dépourvue de grâce et de fraîcheur, d'une indéniable virtuosité d'exécution, et qui, ne fût-ce qu'à titre de curiosité littéraire, méritait de reprendre sa place sur l'affiche, puisqu'elle fait en quelque sorte le pont, un pont soigneusement maçonné par le bon maçon Sodaine, entre certaines comédies de Marivaux et quelques-uns des aimables proverbes de Musset. Mais j'entendrai, avec la gageure imprévue, on ne badine pas avec l'amour. Chef-d'œuvre authentique, celui-là. Et ayant acquis une éternelle pérennité. Chaque fois qu'on l'écoute, on demeure émerveillé de la perfection irradiante d'une pièce jaillie magiquement du cerveau, du cœur, du génie naturel d'un poète de 24 ans, voué à demeurer sinon ignoré, du moins méconnu par les gens de théâtre pendant un quart de siècle, jusqu'au jour où, à la faveur d'un petit acte, le caprice, ramené de Russie dans son manchon, disait-on, par une célèbre comédienne française, Madame Allan, l'accréditant et l'imposant chez nous, Musset s'affirma du jour au lendemain, ce qu'il était, demeure et demeurera jamais le glorieux et presque unique survivant des dramaturges éclos au temps du romantisme, le plus vivant, le plus agissant, le plus actuel en tout cas de tous. Comme l'écrivit Jules Lemaître, à propos de « On ne badine pas avec l'amour », le drame qui se joue ici, c'est pas une comédie d'un jour, une aventure ingénieusement combinée. C'est un drame éternel, où l'on sent un mystère, une fatalité, l'action même des lois de la vie. Un drame où le mensonge, combien charmant, est dans le cadre, la forme et la vérité, combien poignantes dans le fond. Ce mensonge charmant et cette poignante vérité, vous verrez à quel point Madame Perdrière les a mis en lumière avec une intelligence aiguë, une sensibilité frémissante, une farouche intensité pathétique, secondée à miracle, à l'acte désormais classique de La Fontaine, par M. Roland Alexandre, un perditon égalant à cet instant celle qui mérite de prendre rang désormais par les plus grandes comédiennes de ce temps, par Mme Berthe Bovy, dame plus d'une prodigieuse fantocherie désarticulée, par Mme Nelly Vignon, plus semblable, il faut bien le dire, à une fraîche rose glorieusement épanouie, car une petite paysannette torturée par l'amour, par ses deux délicieux compères, Portera et Samara. Au demeurant, un enchantement continu pour l'esprit, le cœur et les oreilles. Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre M. Edmond C. Voici à présent quelle est la distribution de la comédie de Sodaine, La gageure imprévue. Jean Marchat, le marquis de Clainville. Marco Béard, Dubois. Tony Jacot, La Fleur. Bernard Deran, Monsieur Détiolette, Gisèle Casatsu, Cotte, Jeanne Boitel, la marquise de Clainville, Javotte Lehmann, Mademoiselle Adélaïde, Monsieur Drancourt, un domestique, Charles Millot, Brévaux, et Nicole Chollet, la gouvernante. Mise en scène de Jean Marchat. Nous sommes chez le marquis de Clainville, un luxueux salon. Nous nous plaignons, nous autres domestiques, et nous avons tort. Il est vrai que nous avons à souffrir des caprices, des humeurs, des brusqueries, souvent des querelles dont nous ne devinons point la cause. Mais au moins, si cela fâche, ça désennuie. Et l'ennui? L'ennui! Oh, c'est une terrible chose que l'ennui. Si cela dure encore 2 heures, ma maîtresse en mourra. Oui, elle en mourra. Mais pour une femme d'esprit, n'avoir pas l'esprit de s'amuser, cela m'étonne. Peut-être que plus on a d'esprit, moins on a de ressources pour se désennuyer. On vive les sous pour s'amuser de tout. Oh, la voilà qui quitte enfin son balcon. Madame, a-t-elle vu passer bien du monde? Oui, des gens bien mouillés, des voituriers, de pauvres gens qui font pitié. Voilà une journée d'une tristesse. La pluie est encore augmentée. Oh, je ne sais pas si madame s'ennuie, mais je vous assure que moi... De ce temps-là, on est tout... Je ne sais comment. Il m'est venu l'idée la plus folle. S'il était passé sur le grand chemin quelqu'un qui eut figure humaine, je l'aurais fait appeler pour me tenir compagnie. Il n'est pas de cavalier qui n'en eût été bien aise. Mais madame, monsieur le marquis n'aura pas lieu d'être satisfait de sa chasse. Je n'en suis pas fâchée. Hier soir, vous lui avez conseillé d'y aller. Il en mourait d'envie et j'attendais des visites. La comtesse de Vordac. Pourquoi cette dame si laide? Je ne hais pas les femmes laides. Vous pourriez même aimer les jolies. Oh, je badine, je ne hais personne. Donnez-moi ce livre. Oh, de la morale, je n'irai pas. Si mon clavecin... Je vous avais dit de faire arranger mon clavecin, mais vous ne songez à rien. S'il était accordé, j'en toucherais. Mais il l'est, madame. Le facteur est venu ce matin. J'en jouerai ce soir. Ça amusera monsieur de Clainville. Je vais broder. Non. Je vais écrire. Oh, Dieu, pas une seule plume en état d'écrire. Oh, mais madame, en voici de toute neuve. Pensez-vous que je ne les vois pas? Je me fais d'enfermer cette fenêtre. Non. Je vais m'y remettre. Laissez. Oh, mais laissez donc, laissez donc. Oh, de l'humeur. C'est un peu trop. Voici donc de la morale. De la morale. Faut que je lise cela, moi, pour savoir ce que c'est que la morale. Essai sur l'homme. Essai sur l'homme? Oh, pleine singulière morale. Oh, faut que je lise cela. Goethe. Oui. Goethe, sonne quelqu'un. Oh, cela sera plaisant. Oh, c'est un peu... Il faut que ma réputation soit aussi bien établie qu'elle l'est pour risquer cette plaisanterie. Allez vite à la pile portée du parc. Vous verrez passer un officier qui a un surtout bleu, un chapeau bordé d'argent. Vous lui direz, monsieur, une dame que vous venez de saluer vous prie de vouloir bien vous arrêter un instant. Vous le ferez entrer par les basses-cours. S'il vous demande mon nom, vous lui direz que c'est madame la comtesse de Vordac. Madame la comtesse de Vordac? Oui, courez vite! Madame la comtesse de Vordac? Ah oui! Quoi, ce comtesse si laid, si vieille, si possible? Oui, ça sera très singulier partout, mon officier, on fera le portrait, on se moquera de lui. Connaissez-vous cet officier? Non. Mais madame, s'il vous connaît. En ce cas, le domestique n'avait pas le sang commun, il aura dit un nom pour un nom. Mais madame, avez-vous pensé? J'ai pensé à tout, je ne déjeunerai pas seule. En fait, compagnie à la campagne, on prend ce qu'on trouve. Si c'était quelqu'un qui ne convainc pas sa madame. Ne vais-je pas voir quel homme c'est? Fais fermer la fenêtre. Je l'ai vu. Oh, madame. voilà, t'as bien vu désennuyer. Il y a une dame enfermée dans l'appartement de monsieur le marquis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça parle? Madame! Parle, compte donc! Babillarde. Je vous écoute. Madame parlant par révérence. Oh, supprimez vos révérences. Sauf votre respect, madame. Que ces gens-là sont bêtes avec leur respect et leur révérence. Ensuite. J'allais, madame, au fond du corridor, lorsque par la petite fenêtre qui donne sur la terrasse du cabinet de monsieur, j'ai vu, comme j'ai l'honneur de voir madame la marquise. Oh, voilà de l'honneur à présent. Eh bien, qu'avez-vous vu? J'ai vu, derrière la croisée du grand cabinet de monsieur le marquis, j'ai vu remuer un rideau. Ensuite, une petite main. Main droite ou une main gauche? Oui, c'était une main droite qui a tiré le rideau. Comme cela, j'ai regardé, j'ai aperçu une jeune demoiselle de 16 à 18 ans. Enfin, je n'assurerai pas qu'elle a 18 ans, mais elle en a bien 16. Et vous êtes sûre de ce que vous dites? Oh, madame, voudrais-je? C'est sans doute quelque femme que le concierge aura fait entrer dans l'appartement. Faites venir du bois. Madame. La fleur. N'en avez-vous parlé à personne? Oh, mademoiselle Gosse. Si l'un ou l'autre vous en dites un mot, je vous rends compte. Oh, faites venir du bois. Madame, je ne crois pas avoir eu le malheur de manquer envers vous. Je n'ai jamais dit aucun secret. Mais je vous permets de dire les miens. Oh, madame, est-il possible que vous puissiez penser que... Oh, vous allez pleurer. Je n'aime pas ces petites simagrées. Je vous prie de finir. Oh. Ou allez dans votre chambre. Ça passera. C'est passé. Monsieur Dubois, qu'est-ce que cette jeune personne qui est dans l'appartement de mon mari? Une jeune personne? Qui est dans l'appartement de monsieur? Vous cherchez à me mentir, mais je vous prie de songer que ce serait me manquer de respect. Bon. Et je ne le pardonne pas. Madame, depuis 27 ans que j'ai l'honneur d'être valet de chambre à monsieur le marquis, il n'a jamais eu sujet de penser que je pouvais manquer de respect. Et lorsque les maîtres font tant que de vouloir bien nous interroger, il y a 11 ans, madame... Vous cherchez à éluder la question, mais je vous prie d'y répondre précisément. Quelle est cette jeune personne qui est dans le cabinet de monsieur de Clainville? Oh, madame, vous pouvez me perdre. Et si monsieur sait que je vous l'ai dit, peut-être veut-il en faire un secret. Eh bien, ce secret, vous n'êtes pas venu me trouver pour me le dire. Oh. Monsieur le marquis saura que je vous ai interrogé sur ce que je savais et que vous n'avez osé ni me mentir ni me désobéir. Oh, madame, quel tort cela pourrait me faire. Aucun, ceci me regarde. Et j'aurai assez de pouvoir sur son esprit. Oh, madame, vous pouvez tout. Et si vous interrogiez monsieur, je suis sûr qu'il vous dirait... Revenons à ce que je vous demandais. Sortez, Goth. Je ne peux rien savoir avec cette femme-là. Vous ne devez avoir aucun sujet de crainte. Madame, hier, au matin, monsieur me dit « Dubois, prends ce papier et exécute de point en point ce qu'il renferme. » Quel papier? Je crois l'avoir encore. Oui, le voici. Lisez. C'est de la main de monsieur le marquis. Ce jeudi 16 du courant au matin, aujourd'hui, à 5h15 du soir, Dubois dira à sa femme de s'habiller et de mettre une robe. À 6h30, il partira de chez lui avec sa femme sous prétexte d'aller promener. À 7h30, il se trouvera à la petite porte du parc. À 8h sonnée, il confiera à sa femme qu'ils sont là l'un et l'autre pour m'attendre. À 8h30... Voilà bien du détail, donnez. Eh bien... Monsieur est arrivé à 10h passées. Ma femme mourait de froid. C'est qu'il était survenu un accident à la voiture. Monsieur était dans sa diligence. Il en fait descendre deux femmes, l'une jeune et l'autre âgée. Il a dit à ma femme, conduisez-les dans mon appartement par votre escalier. Monsieur est rentré. Il n'a dit à la plus jeune que deux mots. Et il nous les a recommandés. Et où ont-elles passé la nuit? Dans la chambre de ma femme, où j'ai dressé un lit. Et monsieur n'a pas eu plus d'attention pour elle? Oh, vous me pardonnerez, madame, il est revenu ce matin avant d'aller à la chasse. Il a fait demander la permission d'entrer. Il a fait beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'amitié à la jeune personne, beaucoup, beaucoup. Voilà ce que je ne vous demande pas. Et vous ne voyez pas à peu près quelles sont ces femmes? Madame, j'ai exécuté les ordres, mais ma femme m'a dit que c'est quelqu'un comme il faut. Amenez-les-moi. Oh, madame, que... Oui, priez-les. Dites-leur que je les prie de vouloir bien passer chez moi. Mais si... Faites ce que je vous dis, n'appréhendez rien. Faites rentrer Goth. Oh, ceci me paraît singulier, je ne peux pas croire que... Hein? Les hommes sont bien trompeurs. Je vous prie de garder le silence sur ce que vous pouvez savoir et ne savoir pas. Je suis à présent fâchée de mon étourderie et de mon officier. Sitôt qu'il paraîtra. Qui, madame? Cet officier. Vous le ferez entrer dans mon petit salon. Vous le prierez d'attendre un instant et vous viendrez. Mademoiselle, je suis très fâchée de troubler votre solitude, mais il faut que monsieur le marquis ait eu des raisons bien essentielles pour me cacher que vous étiez dans son appartement. J'attends de vous la découverte d'un mystère aussi singulier. Madame! Madame, je vous dirai... Cette femme est à vous? Oui, madame. C'est ma gouvernante. Permettez-moi de la prier de passer à côté. Madame, depuis mon enfance, elle ne m'a point quittée. Permettez-lui de rester. Dubois, avancez un siège. Et sortez. Asseyez-vous, la bonne. Asseyez-vous. Mademoiselle, toute l'honnêteté qui paraît en vous devait ne pas faire hésiter monsieur le marquis de vous présenter chez moi. J'ignore, madame, les raisons qui l'en ont empêché. J'aurais été la première à lui demander cette grâce si je n'apprenais à l'instant que j'avais l'honneur d'être chez vous. Vous ne le saviez pas? Non, madame. Vous redoublez ma curiosité. Je n'ai nulle raison pour ne pas la satisfaire. Monsieur le marquis ne m'a jamais recommandé le secret sur ce qui me concerne. Y a-t-il longtemps qu'il a l'honneur de vous connaître? Depuis mon enfance, madame. Dans le couvent où j'ai passé ma vie, je n'ai connu que lui, pour tuteur, pour parent et pour ami. Comment s'appelle mademoiselle? Mademoiselle Adélaïde. Point d'autre nom? Non, madame. Non. Et vous me direz, mademoiselle, que vous ignorez les idées de monsieur le marquis en vous amenant chez lui et en vous dérobant à tous les yeux. Lorsqu'on respecte les personnes, on ne les presse pas de questions, madame. Et je respectais trop monsieur le marquis pour le presser de me dire ce qu'il a voulu me taire. Oh, on ne peut pas avoir plus de discrétion. Et j'ai déjà eu l'honneur de vous dire, madame, que j'ignorais que j'étais chez vous. Vous me le feriez oublier? Madame, je me retire. Mademoiselle, je désire que monsieur le marquis ne retarde pas le plaisir que j'aurai de vous connaître. Je le désire aussi. Il a sans doute eu des motifs que je ne crois injurieux ni pour vous, ni pour moi. Mais convenez que ce mystérieux silence a besoin de tous les sentiments que vous inspirez pour n'être pas mal interprété. J'en conviens, madame. Et pour vous confirmer dans l'idée que je mérite que l'on prenne de moi, je vous dirai quelle est la mienne sur la conduite de M. de Clerville à mon égard. Il y a quelques mois que... Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a quelques mois que M. de Clerville vint à mon couvent. Il était accompagné d'un gentilhomme de ses amis. Il me le présenta. Il me demanda pour lui la permission de paraître à la grille. Je l'accordai. Il y vint. Je l'ai vu quelques fois. Souvent même. Et lundi passé, monsieur le marquis revint me voir. Il me dit de me disposer à sortir du couvent. Dans la conversation qu'il eut avec moi, il sembla me prévenir sur un changement d'état. Et quelques jours après, c'était hier, il est revenu. Un peu tard, car la retraite était sonnée. Il m'a fait sortir, non sans quelques chagrins. J'étais dans ce couvent dès l'enfance. Et il m'a conduite ici. Voici, madame, toute mon histoire. Et s'il était possible que j'imaginasse quelque sujet de craindre l'homme que je respecte le plus, ce serait près de vous que je me réfugierais. Il se nomme Monsieur d'Étiolette. Monsieur d'Étiolette. Monsieur d'Étiolette. Dans mon petit salon. Oui, madame. Vous le ferez entrer ici dans un moment. Mademoiselle, je ne crois pas que Monsieur de Clerville retarde beaucoup le plaisir que j'aurai de vous voir. Je ne lui dirai pas que j'ai pris la liberté de l'anticiper. Je vous demanderai de vouloir bien ne lui en rien dire. Madame, j'observerai le même silence. Faites rentrer Dubois. Ah, Dubois, ayez pour mademoiselle tous les égards, toutes les attentions dont vous êtes capable. Vous ne direz point à monsieur le marquis que mademoiselle a bien voulu passer dans mon appartement, à moins qu'il ne vous le demande. Bien sûr, mademoiselle. Il n'a pas mauvaise mine. Elle peut le faire rester à déjeuner. Tu demeures ici? Chez le marquis de Clerville. Chez le marquis de Clerville? On m'a dit la comtesse de Vordac. Madame a ordonné de le dire. Ordonné de dire qu'elle se nommait la comtesse de Vordac? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Et où est le marquis? On le dit à la chasse. Est-il point à Montfort? Je comptais l'y trouver. Revient-il ce soir? Oui, enfin, madame l'attend. Mais avoir fait dire qu'elle se nommait la comtesse de Vordac? Ah, je n'y vois rien. Monsieur, avez-vous toujours champagne à votre service? Oui, je l'ai laissé derrière, son cheval n'a pu le suivre. Mais voilà un singulier hasard, et tu ne sais pas le motif. Non, monsieur, mais ne dites pas, voilà madame. Quoi, monsieur Baron, vous passez devant mon château sans me faire l'honneur? Oh, oh, monsieur, oh, que j'ai de pardons à vous demander. Je vous ai pris pour un des parents de mon mari, et je vous ai fait prier de vous arrêter un moment. Je comptais lui faire des reproches, et ce sont des excuses que je vous dois. Oh, monsieur, que je suis fâchée de la peine que je vous ai donnée. Mais non, madame. Oh, que d'excuses j'ai à vous faire. Je rends grâce à votre méprise. Elle me procure l'honneur de saluer madame la comtesse de Vorda. On ne saurait être plus confuse que je le suis. Mais God, madame. Mais voyez comme monsieur ressemble au baron. Ah oui. Ah oui, madame, à s'y méprendre. Je ne reviens pas de mon étonnement. Même taille, même air de tête. Madame, vous restez, monsieur. Peut-être n'avez-vous pas déjeuné. Monsieur, quoique je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Madame. Monsieur, reste. C'est madame la comtesse, je dois accepter l'honneur. Vous devez, monsieur, me donner le temps d'effacer de votre esprit l'opinion des tourderies que vous devez sans doute m'accorder. Oh, mais non, madame, pas du tout. Je ne reviens pas. Oh. Elle l'a dit, elle ne déjeunera pas seule. Oh. Oh. Te voilà. Enfin, on peut causer. Je pensais à toi. Ah. Tu ne sers donc pas à table? Il faut être 12 pour servir 2 personnes. Si madame te demande. Elle a Julien. Je suis cependant fâché de n'être pas resté. Pourquoi? J'aurais écouté. Oh, mais finis donc. C'est que je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Je veux te croire. Il faut t'avouer que tu es bien singulier avec toutes tes niaiseries. Pardon? Madame, sauf votre respect. Madame, révérence parlée. Madame, j'ai eu l'honneur d'aller au bout du corridor. Qu'est-ce qui te fait rire? Comment tu es la dupe de cela, toi? Quoi, la dupe? Oui, quand je parle comme cela à madame. Sans doute. Que oui. Je fais le nigo. Comment? Je le fais exprès. Tu le fais exprès? Tu ne sais donc pas comme les maîtres sont aises quand nous leur donnons occasion de dire. Ah, que ces gens-là sont bêtes. Ah, quelle ineptie. Ah, quelle sotte espèce. Ils devraient bien manger de l'herbe et 1000 autres propos. C'est comme s'ils se disaient à eux-mêmes, oh, que j'ai d'esprit. Oh, quelle pénétration. Ah, comme je suis bien au-dessus de tout ça. Et pourquoi leur épargner ce plaisir-là? Moi, je le leur donne toujours et tant qu'ils veulent, et je m'en trouve bien. Qu'est-ce que cela coûte? Je ne te croyais ni si fin, ni si adroit. J'ai déjà fait 5 conditions. J'ai été renvoyé de chez 3 pour avoir fait l'entendu, pour leur avoir prouvé que j'avais plus de bon sens, que depuis ce temps-là, j'ai fait tout le contraire. Ça me réussit, car j'ai déjà devant moi une assez bonne petite somme que je veux mettre au pied de la charmante brodeuse. Ah, puis dis donc, tu m'impatientes. Tiens, Goethe, j'ai lu dans un livre relié que pour faire fortune, il suffit de n'avoir ni honneur, ni humeur. À l'humeur près, ta fortune est faite. Je ferai fortune. Mais dis donc, tu sais lire? Tu as appris à lire? Oui, quand je suis entré ici, j'ai dit que je ne savais ni lire ni écrire. La faiblesse, méfie-moi de nous. Ah. Pourvu qu'on remplisse son devoir, qu'on fasse bien ses commissions, avec cela l'air un peu stupide, attaché, secret. Voilà tout. Oh, je ferai fortune. Mais avant, oh, ma charmante petite gosse. Finis donc, que tu m'as fait casser mon fil. Oh, oh, tes manchettes seront faites quand elles voudront. Oh, ben, vous respectez joliment mes manchettes. Oh, c'est bien brodé. Oui. Mais déjà, tu commences. Ah, donne. Dis donc, tu as bien peur de faire voir à madame que tu as de l'esprit? Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment? Eh bien, ne t'y fie pas. Madame voit tout ce qu'on croit lui cacher. Il y a 7 ans que je suis à son service, je l'ai bien observé. C'est un ange pour la conduite, c'est un démon pour la finesse. Je ne suis pas sotte. Eh bien, madame me devine 1 heure avant que je parle. Pour monsieur le marquis, qui se croit le plus habile, le plus savant, le plus fin, le premier des hommes. Il est que l'humble serviteur des volontés de madame. Ainsi, mon pauvre Lafleur, ne te gêne pas, mets-toi bien à ton aise, déploie tous les trésors de ton bel esprit et prenne madame qui ne sera jamais qu'un sot. Entendu? Et avec cet esprit-là, elle n'a jamais eu la moindre petite affaire de cœur, là, quelque... Jamais. Jamais? Jamais. En dispendant monsieur jaloux? Oui. Comme cela, par raillerie. Oh, c'est elle surtout qui est sa jalouse. Pour lui, il a tort, car c'est bien la seule femme de laquelle je jurerais. Ouais. Oui, de moi, 100 ans. Ah, oh, sûrement, oui. Mais ça doit le faire une assez mauvaise condition. Oh non, madame est fort généreuse. Imagine donc ce qu'elle serait, s'il y avait quelque amourette en campagne. Avec les maîtres qui vivent bien ensemble, il n'y a ni plaisir, ni profit. Oh, que je voudrais être à la place de Dubois. Pourquoi? Pourquoi? Et cette jolie personne enfermée chez Monsieur Nesrien? Je parie que c'est la plus charmante petite intrigue. Monsieur va l'envoyer à Paris. Il lui louera un appartement. Il la mettra dans ses meubles. Et le valet de chambre fera les emplettes, c'est tout gain. Madame se doutera de la chose ou quelque bonne amie viendra en poste de Paris pour lui en parler sans le faire exprès. Ah, oh, God, si tu as de l'esprit, ta fortune est faite. Tu feras de bons rapports. Vrai ou faux, tu attiseras le feu. Madame se piquera, prendra de l'humeur et se vengera. Croiras-tu que je n'ai dit à madame que pour la mettre dans le goût de se venger? Mais tu es un dangereux coquin. Oh, qu'est-ce que cela fait? Il y a 7 ans, dis-tu, tu es à son service. Il faut qu'un domestique soit bien sot lorsqu'au bout de 7 ans, il ne gouverne pas son maître. Oh, il ne faudrait pas s'y jouer. Avec madame, elle me jetterait là comme une épingle. Voici par exemple pour elle une belle occasion. Monsieur Détiolet est aimable. Monsieur? Monsieur Détiolet, cet officier. Est-ce que tu le connais? Oui, il m'a reconnu d'abord. Je l'ai beaucoup vu chez mon ancien maître. Il était étonné de me voir chez le marquis de Clainville. Tu lui as dit chez qui tu étais? Oui. Chez le marquis de Clainville? À madame de Clainville. À madame de Clainville? Oui. Oh, la bonne chose. Ah, c'est bien fait. J'en suis bien l'aise avec tous ces détours. Sa finesse n'a que ce qu'elle mérite. Ah, pourquoi donc? Je ne m'étonne plus s'il se tue à l'appeler madame la comtesse de Vordacle. Lui, c'est qu'elle s'est fait passer pour la comtesse de Vordacle. Et qu'elle... Chut, on a déjà déjeuné. Oh, comme le temps passe. Vas-y, madame. Oui, monsieur. Oui, monsieur, notre sexe pourra toujours aisément le moyen de gouverner le vôtre. L'autorité que nous prenons marche par une route si fleurie. La pente est si insensible. Notre constance dans le même projet a l'air si simple et si naturelle. Notre patience a si peu d'humeur que l'Empire est pris avant que vous vous en doutiez. Que je m'en doutasse ou non, j'aimerais, madame, à vous le céder. Je reçois ça comme un compliment. Me faites une réflexion. Dès l'enfance, on nous ferme la bouche. On nous impose silence jusqu'à notre établissement. Cela tourne au profit de nos yeux et de nos oreilles. Notre coup d'œil en devient plus fin, notre attention plus soutenue, nos réflexions plus délicates. Et la modestie avec laquelle nous nous énonçons donne presque toujours aux hommes une confiance dont nous profiterions aisément si nous nous abaissions jusqu'à les tromper. Ah, madame, que n'ai-je ici pour second le colonel d'un régiment dans lequel j'ai servi? Le marquis de Clainville. Le marquis de Clainville? Vous connaissez le marquis de Clainville? Oui, madame. Ne vous trompez-vous pas. Oh, non, madame, c'est un homme qui doit avoir à présent... Oui, il doit avoir à présent 50 à 52 ans. De moyenne taille, fort bien prise, beau joueur, bon chasseur, grand parieur, savant. Se piquant de l'être, même dans les détails. Connaissant tous les arts, tous les talents, toutes les sciences, depuis la peinture... Jusqu'à la serrurerie. Depuis l'astrologie jusqu'à la médecine, d'ailleurs. Excellent officier. D'un esprit droit et d'un commerce sûr. La serrurerie, vous le connaissez. Je ne sais pas s'il a des terres dans cette province. Et le marquis de Clainville vous disait? Mais, ah, mais vous le connaissez aussi, madame. Beaucoup. Et il vous disait... Et on m'avait dit qu'il était veuf et qu'il allait se remarier... Non, monsieur, il n'est pas veuf. Ah. On le plaignait beaucoup de ce que sa femme... Sa femme? Avait la tête un peu... Un peu... Oui, qu'elle avait une maladie d'esprit, des absences, jusqu'à ne pas se ressouvenir des choses les plus simples, jusqu'à oublier son nom. Pure calomnie! Qu'est-ce que c'est donc? Oh, madame, je demande pardon, mais j'ai un mal de nom! Allez plus loin, nous n'avons pas besoin de vos gémissements. Enfin, que vous disait monsieur de Clainville sur le chapitre des femmes? Ce qu'il disait était fort simple, mais avait l'air assez réfléchi. Les femmes, disait monsieur de Clainville, vous m'y forcez, madame, je n'oserai jamais... Dites, monsieur, dites. Eh bien, les femmes, disait-il, n'ont d'empire que sur les âmes faibles. Leur prudence n'est que de la finesse et leur raison n'est souvent que du raisonnement. Habile à saisir la superficie, le jugement en elle est sans profondeur. Aussi non telle que le sang-froid de l'instant, la présence d'esprit de la minute, et cet esprit est souvent peu de chose. Il éblouit sous le coloris des grâces, il passe avec elle, il s'évapore avec leur jeunesse, il se dissipe avec leur beauté. Elles aiment mieux. Oh, mais madame, c'est monsieur de Clainville qui parle, ce n'est pas moi, je suis si loin de penser. Continuez, monsieur, elles aiment mieux. Elles aiment mieux réussir par l'intrigue que par la droiture et par la simplicité. Secrètes sur un seul article, mystérieuses sur quelques autres, dissimulées sur tous. Elles ne sont presque jamais agitées que de deux passions, qui même n'en font qu'une, l'amour d'un sexe et la haine de l'autre. Défendez-vous, ajoutait-il. Oh, madame. Oh, mais que... achevez, monsieur, achevez. Défendez-vous, ajoutait-il, de leur premier coup d'œil, ne croyez jamais leur première phrase, et elles ne pourront vous tromper. Je ne l'ai jamais été par elles, dans la moindre petite affaire, et je ne le serai jamais. Et monsieur de Clainville vous disait cela? À moi, madame. Et à tous les officiers qui avaient l'honneur de manger chez lui. Là-dessus, il entrait dans des détails. Je n'en suis pas fort curieuse. Et sans doute, monsieur, que vous applaudissiez, car lorsqu'un de vous s'amuse sur notre chapitre... Je me taisais, madame. Mais si j'avais eu le bonheur de vous connaître, quel avantage n'aurais-je pas eu sur lui pour lui prouver que la force de la raison, la solidité du jugement... Monsieur, je ne m'aperçois pas que j'abuse de la complaisance que vous avez eue de vous arrêter ici. Mais vous m'avez dit qu'il vous restait encore 10 lieues à faire... Oh, madame! Madame, voici monsieur le marquis! Oh, non, pardon, mais monsieur le comte qui revient de la chasse! Oh, quoi, déjà? Oh, monsieur, je ne sais, je suis... Oh, madame, quelque chose paraît altérer votre tranquillité. Serais-je la cause? Monsieur, j'hésite sur ce que j'ai à vous proposer. Mon mari n'est pas jaloux, non, il ne l'est pas, il n'a pas sujet de l'être. Mais il est si délicat sur de certaines choses et la manière dont je vous ai retenu. Eh bien, madame? Il va sans doute venir me dire des nouvelles de sa chasse et il ne restera pas longtemps. Madame, mais que faut-il faire? Oh, si vous vouliez passer un instant dans ce cabinet... Avec plaisir. Vous n'y serez pas longtemps. Sitôt qu'il sera sorti de mon appartement, vous serez libre. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vous pourrez de là entendre notre conversation. Je serai même charmée que vous nous écoutiez. Oh, monsieur Clainville, nous ne prenons d'empire que sur les hommes faibles. Je suis piqué au vif. Oui, il peut avoir tenu de ces discours-là, je le reconnais. Lui. Lui, qui par l'idée de son propre mérite aurait été l'homme le plus aisé. Oh, que je serais charmée si je pouvais me venger. M'en venger là, à l'instant. Mais comment m'y prendre? Oui, oui, qu'on ait soin. Dis-moi, Prévost. Oui, monsieur le marquis. Je crois que tu as deux de tes chiens en assez mauvais état. La Blanche et Briffaut. Prends-y garde. Bien, monsieur le marquis. Et vous autres, voyez qu'on m'apporte à boire le plus tôt qu'on pourra, je me meurs de soif. Madame a déjeuné? Oui, monsieur. Je n'espérais pas vous voir si tôt. Je ne l'espérais pas non plus. Excusez-moi, je reviens dans un instant. Du bois! Du bois! Si par quelques cajus! Monsieur Clainville! Oh non, non, non! Oh, il serait pourtant singulier que ça réussisse. Gott! Madame. Donnez-moi mon sac à ouvrage. Merci, madame. Donnez-moi mon sac à ouvrage. Et le voici, madame. Eh bien, monsieur, avez-vous été bien mouillé? J'aime la pluie. Et vous, madame, avez-vous eu bien du monde? Qui que ce soit. Votre chasse a sans doute été heureuse. Oh, madame, des tours perfides. Nous débusquions des bois de salveux. Voilà nos chiens en défaut. Je soupçonne une traversée. Enfin, nous revenons. Je crie à Prévost que nous en voyons. Il me soutient le contraire. Mais alors je lui dis, mais vois donc, la sole pleine, les talons gros, les pinces rondes, et le talon large. Il me soutient que c'est une biche bréhaigne. Serre d'Icor s'il en fut. Je suis toujours étonnée, monsieur, de la prodigieuse quantité de mots, de termes, que seulement la chasse s'est employée. Les femmes croient savoir la langue française, mais nous sommes bien ignorantes. Que de termes d'art, de science, de talent et de ces arts que vous appelez... Mécanique, madame. Mécanique, eh bien tenez, voilà encore un terme. Voilà, un homme un peu instruit, mais c'est tout, ça peu de choses près. Quoi, de ces arts mécaniques? Je ne me citerai pas pour exemple, je me suis donné une éducation si singulière, mais sans avoir un empire à réformer, Pierre le Grand n'est pas entré plus que moi dans de plus petits détails. Je ne dirais pas de choses servantes aux arts, aux sciences, aux talents, mais même aux métiers dont je n'eusse dit les noms. J'aurais jouté contre un dictionnaire. Je ne jouterai donc pas contre vous. Car moi, à l'instant, je regardais cette porte et je me disais, chaque petit morceau de fer qui sert à la construire a certainement son nom. Et hors la serrure, je n'aurais pas dit le nom d'un seul. Eh bien, moi, madame, je les dirais tous. Tous? Oh, ça ne se peut pas. Je le parierai, madame. Oh, c'est bientôt dit. Oh, je le parie, madame. Je le parie. Vous le pariez? Oui, madame, je le parie. Soit. Aussi bien, depuis quelques jours ai-je besoin de 20 louis. Que vous adressiez-vous à vos amis? Non, monsieur, je ne veux pas vous devoir un si faible service. Je vous réserve pour de plus grandes occasions. Ah, et j'aime mieux vous les gagner. 20 louis. Soit, je le veux bien. Et vous me direz le nom de tous les morceaux de fer qui entrent dans la composition d'une porte. D'une porte de chambre. De celle-ci. Oui, madame. Mais il faut écrire à mesure que vous les nommerez, car je ne m'en souviendrai jamais. Soit, écrivons. Du bois, mademoiselle, je vous prie, faire venir du bois. Toutes les fois, madame, que je trouverai l'occasion de vous prouver que les hommes ont l'avantage de la science, de l'érudition et d'une sorte de profondeur du jugement. Il est vrai, madame, que ce don divin accordé par la nature, ce charme, cet ascendant avec lequel un seul de vos regards... Ah, monsieur, songez que je suis votre femme et qu'un compliment n'est rien quand il est déplacé. Oh. Revenons à notre gageure. Vous voudriez, je crois, me la faire oublier. Mais non, je vous assure... Voici je... du bois. Ah, du bois, approchez cette petite table. Nous n'avons pas de temps à perdre pour prouver ce que j'ai avancé. Nous avons encore 10 lieues à faire aujourd'hui. Que dites-vous, madame, aujourd'hui? Je vous expliquerai. Notre gageure. Vous avez donné le papier de l'encre, aujourd'hui. Dubois, vous allez écrire ce que je vais dicter. Dubois, mettez en tête. Vous donnerez 20 louis au porteur du présent dont je vous tiendrai compte. Non, ils ne sont pas gagnés, madame. Voyons, commencez. Oh, madame, tous ces détails vont vous paraître bien bas, bien singuliers, bien ignobles. Dites bien brillant. Je les trouverai d'or si j'en obtiens ce que je désire. Ah, je suis cependant si bonne que je veux vous aider à me faire perdre. Vous n'oublierez sans doute pas la serrure et les petits clous qui l'attachent. Mais ce ne sont pas des clous, madame. On appelle cela des vis, serrés par des écrous. Dubois, mettez la serrure, les vis, les écrous. Écrous. L'entrée, la pomme, les rosettes, les fiches. Ah, quelle vivacité, monsieur. Ah, vous m'effrayez. Un instant, madame, un instant. Les fiches. Ah, j'ai perdu, monsieur, j'ai perdu. Un instant, madame, fiche de vase, fiche de brisure, tige, équerre, verrou, gâche. Oh, monsieur, c'est fait de mes 20 louis. N'hésite pas, madame, n'hésite pas, vous le voyez, un instant. Oh, gâche. Vous m'effrayez comment de mon monsieur. Madame. Voulez-vous 10 louis de la gageure? Non, madame, non, équerre, verrou, gâche. C'est mis. 10 louis, monsieur, 10 louis. Non, madame, non, à vous, voulez parier. En voulez-vous 15 louis? Je ne vous ferai pas grâce du noble, j'ai perdu 3 paris la semaine passée, il est juste que j'ai mon tour. Je baisse pavillon, je ne demande pas si vous avez oublié quelque chose. Je ne crois pas, madame. Équerre, verrou, gâche. Ah, si c'était de ces grandes portes, vous auriez eu plus de peine. Non, madame, je lui dis de même. Eh bien, monsieur, avez-vous tout dit? Là, ce que je crois, madame, oui, serrure, vis, écrou, entrée, pomme, rosette, fiche, fiche de vase, fiche de frisure, tige, équerre, verrou, gâche. Monsieur, ce qui me jette dans la plus grande surprise, c'est la promptitude, la précision du coup d'œil avec laquelle vous saisissez. Cela vous étonne? Ça ne devrait pas me surprendre. Enfin, il ne reste plus rien. Que de me payer, madame? De vous payer, monsieur? Vous êtes un créancier terrible. Si vous avez perdu, je serai plus honnête et je vous ferai plus de crédit. Mais je n'en demande pas. Dubois, fermez ce papier et cachetez-le. Voici mon étui. Et pourquoi, madame, cela est inutile? Ah, vous me pardonnerez. J'ai l'attention si paresseuse. Les femmes n'ont que la présence d'esprit de la minute. Et elle est passée, cette minute. Vous croyez rire, mais ce que vous dites là, je l'ai dit 100 fois. Oh, je vous crois. J'espère, moi, de mon côté, que vous voudrez bien m'accorder 1 heure pour réfléchir et examiner si vous n'avez rien oublié. 2 jours, si vous l'exigez. Non, je ne veux pas plus de temps qu'il ne m'en faut pour vous raconter l'histoire de ma journée. Et la voici. Je me suis ennuyée. Oh. Mais très ennuyée. Je me suis mise sur le balcon, la pluie m'en a chassée. J'ai voulu lire, j'ai voulu broder, faire de la musique. L'ennui jetait un voile si noir sur toutes mes idées que je me suis remise à regarder sur le grand chemin. J'ai vu passer un cavalier qui pressait fort sa monture. Il m'a saluée. Il m'a pris fantaisie de ne pas déjeuner seule. Je lui ai envoyé dire que madame la comtesse de Vordacle le priait d'entrer chez elle. Et pourquoi la comtesse de Vordacle? Une idée. Je ne voulais pas qu'il sût que je suis la femme de monsieur de Clainville. De monsieur de Clainville, qui a des terres dans cette province. Et pourquoi cela? Je vous l'expliquerai. Il a accepté ma proposition. J'ai vu un cavalier qui se présente très bien. Il est de ces hommes dont la physionomie honnête et tranquille inspire la confiance. Il m'a fait le compliment le plus flatteur. Il m'a laissé laissé échapper aucune occasion de me prouver que je lui avais plu. Il a même osé me le dire. Et soit que naturellement il soit hardi avec les femmes, ou peut-être malgré moi a-t-il vu dans mes yeux tout le plaisir que sa présence me faisait. Que vous dirais-je ? Excusez ma sincérité, mais je connais l'empire que j'ai sur votre âme. Dans l'instant le plus décidé d'une conversation assez vive, vous êtes arrivé. Je n'ai eu que le temps de le faire entrer dans ce cabinet. Alors vous êtes entré, je vous ai proposé ce pari assez indiscrètement. Je ne supposais pas que vous l'accepteriez. Et j'ai eu tort, fatigué comme vous devez l'être, de vous avoir arrêté. Madame. Mais monsieur, je m'aperçois, le cerf que vous avez couru vous a-t-il mené loin? Non, madame, non, mais... Vous paraissez avoir quelques chagrins. Non, madame, j'en ai point. Mais ce monsieur doit s'ennuyer dans ce cabinet. Monsieur, n'en parlons plus. Je vois que ça vous a fait quelques peines et j'en suis mortifiée. Je le crois. Je désirerais... Mais moi, madame, je désire entrer dans ce cabinet et voir l'homme qui a eu la témérité de... Permettez-moi de vous proposer un accommodement. Quel accommodement, madame? Je ne vois vraiment pas. Quel accommodement? Et si j'ai perdu le pari, donnez-moi la revanche. Oh, morbleu, madame, il n'est pas temps de plaisanter. Je ne plaisante pas, monsieur. Je vous demande ma revanche. Non, madame, je vous demande la clé de ce cabinet. Je vous prie de me la donner. La clé, oui, madame, monsieur? La clé. Et si je ne l'ai pas? Il est un moyen d'ouvrir, c'est de pousser la porte. Mais monsieur, quoi de violence? Ce que vous projetez vous sera aussi facile lorsque vous m'aurez accordé un moment d'audience. Je vous écoute, madame. Asseyez-vous, monsieur. Non, madame. Avant de vous emporter à des extrémités qui sont indignes de vous et de moi, je vous prie de me faire payer les 20 louis du pari. Parce que vous avez perdu... Oh, morbleu, madame, sans les croix. Arrêtez, monsieur! Dans ce pari, vous avez oublié de parler d'une clé. D'une clé! D'une clé! Vous ne doutez pas qu'elle ne soit de fer! Vous l'avez bien nommée depuis avec une fureur et un emportement que je n'attendais pas. Mais il n'est plus temps. Je voulus faire un badinage de ceci et vous faire demander à vous-même le morceau de fer que vous aviez oublié. Mais je vois, et trop tard, que je ne devais pas m'exposer à la singularité de vos procédés. Mais tenez, lisez, monsieur, lisez! Quant à cette clé que vous demandez, tenez, monsieur! La voici, cette clé. Ouvrez ce cabinet, ouvrez-le vous-même, regardez partout, justifiez vos soupçons et accordez-moi assez d'esprit pour penser que lorsque j'ai la prudence d'y faire cacher quelqu'un, je ne dois pas avoir la sottise de vous le dire. Et quoi? Vous hésitez, monsieur? Tenez, que n'entrez-vous dans ce cabinet? Je vais l'ouvrir moi-même. Oh, madame, c'est battre un homme à terre. Oh, non, monsieur, ce que j'ai dit est sans doute vrai. Oh, madame, je tombe à vos genoux. Relevez-vous, monsieur. Oh, madame, que je suis coupable. Eh non, monsieur, vous ne l'êtes point. Me pardonnerez-vous? Oui, monsieur. Vous ne le dites pas du profond du cœur. Je vous assure que je n'y ai nulle peine. Que bonté, là. Oh, ce n'est pas par bonté, c'est par raison. Ah, mais qui s'en serait méfié? Avec quelle adresse, avec quelle finesse? J'ai été conduit à redemander cette clé, cette maudite clé. Ah oui, voilà bien serrure, les vis, les écrous. Oh, diable de clé. Mais Dubois, ne l'ai-je point dit? Non, monsieur, j'ai pensé vous le dire. Oh, madame, j'en suis charmé, j'en suis enchanté. Ça m'apprendra à n'avoir plus jamais de vivacité avec vous. Voilà la dernière de ma vie. Je vais vous envoyer vos 20 louis et je les paie du meilleur de mon cœur. Mais me pardonnerez-vous, madame? Oui, monsieur. Non. Mais voyez comme j'étais seul avec l'esprit que je vous connais, d'aller penser, d'aller croire qu'un homme... Ah, Je suis... Oh, je vais, madame, je vais faire acquitter ma dette. Voyez si monsieur ne revient pas. Sortez. Sortez. Eh bien, monsieur, sortez. Madame, je suis étonné, je suis confondu de tout ce que je viens d'entendre. Eh bien, monsieur, avez-vous besoin d'autres preuves pour être convaincu de l'avantage que toute femme peut avoir sur son mari? Et si j'étais plus jolie et plus spirituelle? Ça ne se peut pas. Mais encore, monsieur, ne me suis-je servie que de nos moindres ressources? Mais vous ne vous doutez pas. Vous n'avez pas l'idée de l'empire d'une femme qui a su mettre une seule fois son mari dans son tort. D'autre part, je suis convaincue que l'idée de montrer de l'esprit ne nous mène qu'à dire et à faire des sottises. Oh, madame, quel nom donnez-vous à une plaisanterie? Oh, monsieur, quoi, en présence d'un étranger, que j'ai cependant tout sujet de croire un galant homme. Et le plus humble de vos serviteurs. J'ai jeté une sorte de ridicule sur mon mari, sur monsieur de Clainville. Oui, car vous savez ma petite finesse à votre égard. Je la savais avant. Quoi, monsieur? Vous saviez... Que j'avais l'honneur d'être chez madame de Clainville. Oui, madame, un de vos domestiques me l'avait dit. Oh, comment, monsieur, j'étais votre dupe? Oh, non, madame. Mais je n'étais pas la vôtre. Oh, que cela me confond. Et cette femme qui a des absences, qui oublie son nom... Oh, monsieur, vous me persifliez. Madame, je vous demande pardon. Oh, comme cela me confond. Et me fortifie dans la pensée d'abjurer toute finesse. Monsieur... J'espère que cet hiver à Paris, vous nous ferez l'honneur de nous voir. Je veux alors, en votre présence, demander à monsieur de Clainville pardon du peu de décence de mon procédé. Bonne madame, reconduisez monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Je vous souhaite un bon voyage. Oh, les hommes! Les hommes nous valent bien. Oh, madame, vous m'avez fait mourir de frayeur. Oh, j'ai plus une goutte de sang dans les veines. Et pourquoi donc? Mais madame, si monsieur le marquis était entré. Eh bien. S'il avait trouvé ce monsieur. Alors, je lui aurais demandé si, lorsqu'il tient dans son appartement deux femmes qu'il connaît depuis 15 ans, il ne m'est pas permis de cacher dans le mien un homme que je ne connais que depuis 15 minutes. Oh, oh oui, ça c'est vrai, madame, je n'y avais pas pensé. Gotte, vous direz à Dubois de préparer demain matin le comte de la fleur et de le renvoyer. Oh madame, qu'as-tu bien pu faire? C'est un si gentil garçon. Oui, il est vrai qu'il est un peu bête. Non, c'est pas ça, je le crois bête et malin. Mais je n'aime pas les domestiques qui reportent chez madame ce qui se passe chez monsieur. Ça peut servir de leçon. Voilà, bien avancé avec son bel esprit. Il a tout l'air de ne pas avoir mes manchettes. Oh, madame. Eh bien, madame, excusera. Vous êtes en botte ou descendez de cheval? Madame, voilà monsieur d'Étiolette que je vous présente. Honnête homme, brave officier, et qui nous appartiendra bientôt de plus près que par l'amitié. Ah, voilà vos 50 louis. J'ai voulu vous les apporter moi-même. Mais 50 louis, ce n'est que 20 louis. Comme 50. Je me suis mis à l'amende. Je vous supplie de les accepter au désespoir de ma vivacité. Monsieur, c'est moi qui suis interdite. Je n'y repenserai jamais que pour me corriger. Mais moi de même, monsieur. Non, pourquoi vous, madame? Point du tout. Vous badiniez. Oh, mon cher ami, vous n'êtes point au fait. Je vous raconterai cela. C'est le tour le mieux joué. Il est charmant, il est délicieux. Vous jugerez de l'esprit de madame et de toute sa bonté. Puis celle que vous épouserez avoir d'aussi excellente qualité. Elle les aura, j'en suis sûr. Je crois que j'ai tout sujet de le souhaiter. Monsieur... Madame, retenez monsieur ici un instant. Oh, mon ami, quelle satisfaction je me prépare. Je reviens dans l'instant. Eh bien, monsieur, tout ne sert-il pas à augmenter ma confusion? Monsieur de Clainville, vous avez rencontré? Non, madame, je me suis fait présenter chez lui, il sortait, il m'a conduit ici. Comment? Et lorsque j'ai eu l'honneur de vous saluer sur le grand chemin, c'est chez lui que je descendais. C'est chez monsieur de Clainville que j'avais affaire. Jugez de ma surprise, lorsqu'avec un air de mystère, on m'a fait entrer chez vous par la petite porte du parc. Ajoutez-y le changement de nom, je vous l'avouerai, je me suis cru destiné aux grandes aventures. Et que veut dire monsieur de Clainville en disant que vous nous appartiendrez de plus près que par l'amitié? C'est à lui, madame, à vous expliquer cet énigme. Mais il me paraît qu'il n'a pas les desseins de vous faire attendre. Le voici. Ah, c'est mademoiselle de Clainville. Mademoiselle. Oui, c'est elle. Est-il rien de plus aimable? Mon ami, recevez l'amour des mains de l'amitié. Madame, vous ne saviez pas avoir mademoiselle dans votre château, elle y est depuis hier. Oui. Je suis rentré trop tard, je suis sorti ce matin de trop bonne heure pour pouvoir vous la présenter. Elle nous appartient de très près. C'est la fille de feu mon frère, ce pauvre chevalier, mort dans mes bras à la journée de Lausanne. Son mariage était connu de nous. Oui, son père était si dur dans la famille. Vous approuverez certainement les raisons que j'ai eues de vous le cacher. Enfin, je vous expliquerai cela. Ma chère fille, embrassez votre tante. C'est, je vous l'assure de tout mon cœur. Et moi, madame, quelle satisfaction ne dois-je pas avoir? Madame, je la marie et je la donne à monsieur. Je dis je la donne, c'est un vrai présent. Et il ne l'aurait pas si je connaissais un plus honnête homme. Quoi, madame, j'aurais donc le bonheur d'être votre neveu? Oui, mon ami. Et avant 3 jours, je cours demain à Paris. Il y a certains petits détails dont je veux me mêler. Mademoiselle, consentez-vous à ma félicité? Monsieur, je ne connaissais pas toute la mienne. Vous avez à présent à m'obtenir de madame. Oh, madame, puis-je espérer? Oui, monsieur, et j'en suis enchantée. Le ciel ne m'a pas accordé d'enfant, et dès cet instant-ci, je crois avoir une fille et un gendre. Ah. Monsieur, je vous l'accorde. C'est autant par inclination que par obéissance. Mais ça doit être. Ma nièce est charmante. Ah, je suis bien trompée si mademoiselle n'a pas beaucoup d'esprit. Et je suis sûre que, sans finesse, elle n'en fera usage que pour faire le bonheur de son mari. Si mademoiselle avait besoin d'un modèle, je suis assurée, madame, qu'elle le trouverait en vous. Oui, monsieur, la finesse n'est bon à rien. Point de finesse, point de finesse, on en est toujours la dupe. Donc surtout avec moi. Oh, monsieur de Clainville, que j'ai eu tort. Quoi, madame? Passons, passons. Passons, non, non, ça. Cette aventure pouvait la guérir de ses finesses. Que de femmes! Que de femmes! À qui pour être corrigée, il en a coûté davantage. Venez d'entendre par transmission différée diffusée de la Comédie Française Salle Richelieu à Paris, La Gageure imprévue, une comédie de Sodaine, avec le concours de Jean Marchat, Marco Béard, Tony Jacot, Bernard Deran, Mesdames Gisèle Casatsu, Jeanne Boitel, Javotte Lehmann, Monsieur Drancourt, Charles Millot et Mademoiselle Nicole Chollet, mise en scène de Jean Marchat. Notre transmission se poursuit à présent par une comédie en trois actes d'Alfred de Musset. On ne badine pas avec l'amour. En voici l'interprétation. Georges Chamara, Blasius. Maurice Portora, Briden. Jacques Servière, le baron. Roland Alexandre, Perdican. Berthe Bovy, Dame Pluche. Hélène Perdrière, Camille. Nelly Vignon, Rosette. Le chœur, avec messieurs François Vibert, Bonnet. Et mademoiselle Françoise Seigné. Et Maria Fromet, mise en scène de Maurice Escande. Au premier acte, nous sommes devant la grille du château du baron. L'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre, on rebondit. Et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son double menton. Salut, maître Blasius. Vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Qu'est-ce qui veulent apprendre une nouvelle d'importance? M'apporte ici premièrement un verre de vin frais. Vivez, maître Blasius. Le vin est bon, vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Il connaît par leur nom tous les empereurs romains. En un mot, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur, à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Et mes enfants, je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Oui, buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican. Il n'était pas besoin du moment qu'il arrive de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Même un fois l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout vu. Adieu. J'ai préparé entre-temps sur la route deux ou trois phrases sans prétention qui plairont à monseigneur. Je vais tirer la cloche. Durement quinté sur son âne essoufflé, Dame Plus gravit la colline. Son écuyer transi gourdine à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Plus. Vous arrivez comme la fièvre avec le vent qui fait jaunir les poires. Regarde donc, quel mec que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. D'où venez-vous, Plus, mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre exprès de monseigneur pour venir en son temps et lieu recueillir, comme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée. Et ceux qui la verront pourront respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau, de si colombe que cette chère nonne. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise, ainsi soit-il. Rangez-vous, canard! Il me semble que j'ai les jambes en feu. Défripez-vous, honnête pluche, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs comme vos tibias. C'est de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Vous êtes débutants, hein? Et des mal appris. Mettons nos habits du dimanche et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse bonbonce est dans l'air d'aujourd'hui. Maître Bridaine, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de Memphis. Memphis a eu hier matin à midi 8 minutes 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Bridaine, curé de la paroisse. C'est mon ami. 4 boules blanches, seigneur. Littérature, philosophie, droit romain, droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à apparaître. Faites un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Droit canon. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre fils sent le vin à faire peur. Non, cela est impossible. J'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sent le vin à faire peur. Brisons-la, je vous répète que cela est impossible. Ah, vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Bridaine, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier à 7h de nuit parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France, dame Plus. Je vous présente Maître Bridaine, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, seigneur, et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez, dame Plus, réparez le désordre, vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère, soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Oh, pleine d'onction et de componction, Maître Bridaine. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sent le vin. J'en ai la certitude. Oh, Maître Bridaine, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Mais je les ai, Bridaine. Elles sont sur ma table dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu tout le temps la plus profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général et de ses vassaux en particulier sans donner parfois à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser rentrer personne. Ah, qu'il est austère et difficile le recueillement de l'homme d'État

Je trouve qu'elle sent bon. Voilà tout. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis, et asseyons-nous. De formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Nous sommes dans le parc du château. N'avez-vous pas fait une remarque ? C'est que lorsque deux hommes à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Oui, par la raison que les contraires s'attirent, qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond, que les blonds recherchent les bruns et réciproquement, je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, mais ils sont gourmets. Non seulement ils se partageront à dîner, n'est-ce pas ? Non seulement la quantité, mais la qualité. Alors si le poisson est petit, comment faire ? En tout cas, une langue de carpe ne peut se partager. Hein. Et une carpe ne peut avoir deux langues. Item, ils sont bavards, tous deux. À la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans écouter ni l'un ni l'autre. Item, ils sont aussi ignorants l'un que l'autre. Item, ils sont prêtres, tous deux. Oui, l'un se targuera de sa cure, l'autre se rengorgera dans sa charge de gouverneur. Maître Blasius confesse le fils, et Maître Briden le père. Bon, déjà, je les vois accoudés sur la table. Les yeux à fleur de tête, le secoué plein de haine, leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds, ils préludent par de légères escarmouches, et bientôt la guerre se déclare. Oui, les cuistreries de toute espèce se croisent et s'échangent, et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes, surgit Dame Plus, qui les repousse l'un et l'autre. De ses coudes affilés. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Oh, vénérable Pluche, je suis peiné. Est-il possible, monseigneur ? Ah oui, plus cela est possible. J'avais décidé depuis longtemps, j'avais même écrit, noté sur mes tablettes de poche que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Mais oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Cela a été convenu, résolu, j'en avais parlé à Briden. Et je vois, je crois voir que ces enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Les voilà qui viennent. Ah. Sont-ils prévenus de vos projets ? Je leur en ai touché quelques mots en particulier. Je crois qu'il serait bon, puisque les voilà réunis, de nous asseoir sous cet ombrage propice et de les laisser ensemble un instant. Sais-tu que ça n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un baiser ? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village ? Non, je suis lasse. Ça ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie ? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau ? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Pourquoi pas un souvenir, Camille ? Pas un battement de cœur pour notre enfance, pour tout ce pauvre temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses ? Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme ? Pas ce soir. Pas ce soir. Et quand donc ? Toute notre vie est là. Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela ? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie ? Oui. Cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Ah bah, vous le voyez et vous l'entendez, excellente Pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie et il me semble assister au concert où le violon joue Mon cœur soupire pendant que la flûte joue Vive Henri IV. Songez à la discordance affreuse qu'une pareille combinaison produirait. Voilà pourtant ce qui se passe dans mon cœur. Il m'est impossible de blâmer Camille et rien n'est de plus mauvais ton à mon sens.

Radiodiffusion et Télévision française vient de vous présenter, par transmission différée, en deuxième diffusion, le spectacle de la Comédie française Salle Richelieu à Paris. On ne badine pas avec l'amour, trois actes d'Alfred de Musset, avec le concours de M. Georges Chamarat, Maurice Portera, Jacques Servière, Roland Alexandre et Mesdames Berthe Bovy, Hélène Perdrière, Nelly Vignon, avec le chœur, Messieurs François Vibert et Bonnet, Mademoiselle Françoise Seigné et Maria Fromet. Mise en scène de Maurice Escande. En première partie, vous avez pu écouter la gageure imprévue, un acte de Sodaine. Nous vous rappelons qu'au début du spectacle, M. Edmond C. vous a présenté notre transmission.